Au milieu de la lutte de la population sud-coréenne de tous les paliers réclamant la détention de Park Geun-hye destitué de la présidence, le tribunal central de Séoul a livré le 30 mars l'examen pratique pour mandat d'arrêt qui décide de la détention de la traîtresse. Le tribunal a mené l'examen sur les données sur 13 crimes de Park Geun-hye révélés au cours de l'enquête du parquet, notamment l'autorisation des pots-de-vin, abus de pouvoir et divulgation des secrets d'État et sur la nécessité de sa détention. Cette fois aussi, Park Geun-hye et la bande des avocats à sa solde se sont conduits effrontément en reniant complètement les soupçons de tous les crimes. Mais le tribunal a conclu que ces crimes sont évidents et qu'il y a la possibilité d'évasion de Park Geun-hye et qu'elle peut supprimer les témoignages et a délivré le mandat d'arrêt. Suivant cette décision, Park Geun-hye est entraîné le petit matin du 31 mars au bout de 21 jours de sa révocation à la prison de Séoul et elle est emprisonnée dans la cellule isolée en habit de prisonnière. On a privé complètement le traitement d'ex-président et elle est soumise en état de détention à l'enquête supplémentaire et au jugement correctionnel.